passer ce matin à juste donner un mot de remerciement à l'équipe de louange. Des fois, on oublie qu'ils travaillent pendant la semaine, ils travaillent fort, ils se préparent, ils font des pratiques. Donc, je vous remercie chacun de vous qui donnez au Seigneur de votre temps, de vos énergies, de vos talents pour nous aider à glorifier notre Dieu pendant la première heure des cultes. Donc, je veux vraiment vous remercier. Et ce matin, un spécial pour mon frère Patrick. Merci, Patrick. Donc, on va prendre un temps pour prier et on va regarder ensemble Éphésiens, chapitre 2. On va prier avant de commencer, s'il vous plaît. Notre Père du ciel, nous sommes à tes pieds. On va voir ce matin que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et on voudrait que ce temps ensemble, auprès de ta parole, auprès de toi, puisse refléter cette vérité. Que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus. Et mon désir, et le désir de chacun qui est ici, c'est que on puisse partir d'ici ce matin en disant, nous avons un grand Dieu, nous avons un grand Sauveur qui est en train d'accomplir un plan merveilleux pour son peuple et pour sa gloire. Que ton esprit puisse nous animer chacun de nous, puisse nous aider à voir le Père et le Fils d'une façon spéciale encore ce matin. Amen. Le texte qu'on va regarder dans Éphésiens 2, un peu un texte à controverse. Je dis ça presque à chaque fois. C'est peut-être moi qui est en controverse avec tout le monde, mais c'est un texte un peu à controverse. Et si vous écoutez les hommes qui sont les vedettes évangéliques dans le monde aujourd'hui, les grands hommes, ils ont un peu chacun leur opinion sur ce texte-là. Pas tout le monde qui est d'accord. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est probablement que vous n'en trouvez un avec qui vous allez être d'accord. Vous allez savoir correct. On va voir, c'est un sujet pas facile à voir. Et puis, des fois, en tant que chrétien, ça nous interpelle, puis on a de la misère à donner une réponse qui est valable. Même une réponse qui est satisfaisante pour nous. Et là, on a de la misère à mettre certains passages de Bible ensemble quand on regarde ces textes-là, des fois. Fait que, on va le regarder, mais une chose est sûre, dès qu'on est fini, peu importe la position qu'on a prise, quand j'écoute ces hommes-là qui parlent de ce texte-là, je finis toujours par dire « gloire à Dieu ». C'est ça qui est important. À la fin, on finit par dire « gloire à Dieu », peu importe la position qu'on a. Donc, si vous ne dites pas « gloire à Dieu » à la fin, changez de position, peu importe laquelle vous avez. Mais si vous dites « gloire à Dieu » à la fin, gardez votre position, si vous voulez bien le garder. Mais je vais essayer de vous convaincre de la mienne. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Voici une convaincre la mienne ce matin. Notre arrière-plan nous suit, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Notre arrière-plan social, familial, notre arrière-plan évangélique, notre arrière-plan humain nous suit, même en tant que chrétien. Et des fois, c'est pas facile pour nous de discerner entre le Seigneur m'a dit et ce que moi je pense. Des fois, on mélange les deux. Des fois, ça nous prend quelques années à voir qu'on a dit pendant 2 ans, 3 ans, le Seigneur m'a dit, finalement, on se rend compte que c'était pas lui. C'était nous. C'était notre chair, nos pensées qui disaient ça. Et notre arrière-plan à nous, catholiques, en tant que côté religieux, un enfant qui vit au monde, et on l'attache originelle. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, pour vous, dans votre temps? Dans ma tête, à moi, quand j'étais jeune, en tant que catholique, l'enfant venait au monde, il avait le cœur noir. Il était noir, il avait une tache, quelque part. On ne comprenait pas trop comment, il avait une tache. Et cette tache-là, qui faisait de lui quelqu'un qui ne pouvait pas aller avec Dieu s'il mourait. Que s'il mourait avant le baptême, il allait dans les même. Qui est assez vieux pour se souvenir de ça? Quelques-uns qui sont de mon âge, là. Les limbes. Donc, un enfant qui mourait, qui n'avait pas été baptisé, il s'en allait dans les limbes. Il ne souffrait pas, mais il n'était pas dans la joie. Il était sur une note. Pas de joie, pas de tristesse. Vaut mieux être mort, je ne sais pas quoi, mais il était quand même sur le bois, une roche, je ne sais pas, et ça ne donnait pas d'envie, là, mais. En tout cas, c'est une façon pour l'Église catholique d'expliquer la nécessité de baptiser l'enfant très vite. Donc, on les baptisait dans l'espace de 2-3 jours, on essayait de les baptiser. S'ils étaient malades un peu, on les baptisait tout de suite. Pour pas qu'ils aient dans les limbes. Et quand il était baptisé, cet enfant-là, il devenait héritier du ciel, enfant de Dieu, il devenait pur. Donc, le pouvoir du sacrement du baptême, c'était là. Ça, c'est mon arrière-plan à moi. Et quand cet enfant-là vieillissait, il y avait ce qu'on appelait dans mon temps l'âge de raison. Qui est assez vieux pour voir ça? Encore la même gang. OK. On avait l'âge de raison. L'âge de raison, c'était environ 6-7 ans. Là, il était assez vieux qu'on lui explique des choses de cet enfant-là. Là, il pouvait communier. Voilà, tu te confessais, voilà la communion. C'est comme ça. J'ai été élevé comme ça pendant toute ma jeunesse. Quand j'ai commencé à vieillir, ou est-ce que j'ai devenu vers l'âge de 30-40 ans, dans notre société, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age, Nouvel Âge. Et là, on commençait à parler où est-ce que les enfants venaient au monde, c'était des petits anges, puis ils étaient fins, puis ils étaient beaux, puis ils étaient purs, ils étaient sans tâche, puis c'était les mauvais, c'était nous les pareils. C'est la société qui rendait ces petits anges-là mauvais. Vous avez entendu ça probablement, vous avez peut-être lu, c'est la faute des parents, c'est la faute des grands parents. C'est l'enfant qui est au monde pur. C'est la société qui le rend mauvais. Les plus jeunes, qui avaient 40 ans et moins, c'est probablement ça que vous avez entendu le plus ça. C'est un petit ange. Là, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'il devient un petit diable? Quelquefois, on entend ça aussi. C'est un vrai petit diable. Et quand est-ce qu'il fait le switch? Pas facile à expliquer. Et dans le monde évangélique, il y a ces différentes positions-là. Vous allez entendre des hommes parler et dire, qu'est-ce qui arrive avec tous ces enfants qui meurent? Parce que nous, en général, les évangéliques, on va dire que dès la conception, l'enfant est un être humain. En général, on dit ça chez les évangéliques. Là, mais tous ces millions qui se font avorter, on se demande, qu'est-ce qui arrive avec eux? Où est-ce qu'il s'en va? Là, je ne veux pas de réponse ce matin. Je ne veux pas que personne me dise sa réponse. Gardez ça pour vous. Mais pensez-y. Où est-ce qu'ils s'en vont, eux autres, quand ils meurent, ces millions d'avortés-là, si c'est des êtres humains, dès la conception? Ils s'en vont où? Il y en a qui disent qu'ils s'en vont tout au ciel. D'autres disent non, ils ne s'en vont pas au ciel. J'ai entendu un professeur me dire à Sambec, tous les élus parmi ces enfants-là s'en vont au ciel, les autres ne vont pas. Chacun fait ses positions, mais c'est pas facile à expliquer après. Tu peux donner ta position, mais explique-moi-la. Montre-moi par les Écritures où est-ce que tu vas chercher ça. Donc, on a des évangéliques qui disent que les enfants qui meurent, qui ne se sont pas convertis, ne sont pas convertis. Donc, s'ils ne sont pas convertis, la conclusion, c'est qu'ils vont pas au ciel. Pas facile hein, d'expliquer ça. C'est quoi votre position à vous? Dites-moi pas. C'est quoi votre position à vous ce matin? Qu'est-ce que vous pensez? Si vous aviez un enfant d'un an qui meurt, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Une fois, j'étais en train de faire de l'évangélisation, et j'allais dans une maison, et je cognais, puis c'était du porte-à-porte dans le temps. Je cognais, la madame, une jeune femme, dans 20 ans, 25 ans, 26 ans, à me faire entrer. Puis là, je me présente, je suis un chrétien évangélique, etc. Elle dit, André, on s'assied à la cuisine. Puis là, je réalise qu'elle a les yeux un peu pochés, un peu rouges. Là, je vous imagine qu'elle a pleuré. Oh, imagine ça. Et là, elle dit, moi, j'ai une question pour vous. J'ai dit, oui. Là, elle me pose la question que je ne m'attendais pas qu'elle me pose. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui meurent? À bas âge. Un mois. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui meurent? Là, je me suis dit, elle n'a pas dû. C'est la question que je me suis posée. J'ai demandé, j'ai est-ce que tu as placé un enfant? Elle dit, mon enfant est mort. Qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce que vous dites dans ce moment-là? C'est pas évident de le dire. De le dire avec un, que ça fait du sens pour cette personne-là. J'ai donné une réponse à elle, qui est une non-croyante. Mais qu'est-ce que je dirais aussi à un croyant? Lui qui a une autre compréhension de la vie, une autre compréhension du ciel, de la terre, une autre compréhension de la nature humaine. Pas facile d'expliquer ça. Et ce matin, on va y aller dans cette direction-là. Hier, on a vu au mariage qu'il faut descendre dans le négatif pour arriver au positif. Et on va faire ça ce matin. On va descendre dans le négatif, puis ça va être noir, puis ça va être... Puis on va sortir, par exemple, on va finalement être ici, près du trône de Dieu. Fait qu'on va être dans le positif en approche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire d'un homme qui faisait une évangélisation, puis il est dans un parc, puis il y a un paquet de jeunes assis sur un banc. Il n'y avait pas d'iPod, parce que soit les vieilles. Mais c'est pas vrai, il faisait fou, puis il s'amusait. Et le monsieur arrive, puis le monsieur, lui, a une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, un petit vieux. Il arrive là, puis il dit aux jeunes, il dit, « J'ai votre photo dans ma poche! » Les jeunes, là, « Je ne me connais pas, je ne me connais pas, tu ne peux pas avoir notre photo. » Oui, j'ai votre photo dans ma poche. » Les jeunes disent, « Montre-moi. » Il sort son Nouveau Testament, puis il lit Romains 3, verset 1 jusqu'à 10. Tous sont péchés, tous sont pervertis, de pas un seul qui fasse le bien, puis il commence à lui lire ça. Les jeunes ont toutes sorties, toutes élevées, puis sont partis. Et ce matin, ce qu'on va lire ensemble, dans les premiers versets d'Éphésiens 2, quand on. Si vous feriez. C'est pas, j'avais déjà participé à des rencontres sur le net. On écrit un petit profil de nous-mêmes, puis on se présente, on se met. Qui veut sortir avec moi? Qui veut me fréquenter? J'ai un voisin qui me demande d'aller l'aider à faire ça sur Internet, que j'y ai l'idée à mettre ça sur Internet, puis il veut se présenter, puis il ne connaît pas tous les ordinateurs. Là, il met son profil sur Internet, mais il s'avantage. Hein? Je ne sais pas comment de photos tu as pris avant de le mettre la bonne. Pour que les personnes qui regardent disent Mais il veut se présenter bien. C'est normal, c'est normal. Mais s'il écrirait dans son profil les trois premiers versets d'Éphésiens 2, 1 à 3, je garantis qu'il n'y a aucun courriel dans sa boîte. C'est ce qu'on va lire, si vous voulez bien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Remarquez que Paul s'inclut dans ce texte, nous étions, nous. Donc il s'inclut. Et si vous étudiez Éphésiens, ce nous-là, c'est le même nous que le premier chapitre. C'est le même nous. C'est, on ne peut pas dissocier les deux nous. Si vous prenez le nous du chapitre 1, vous êtes obligé de mettre le nous dans le chapitre 2, c'est le même groupe de personnages. Et on a vu ensemble dans les autres mois, c'était nous les saints, les croyants, les fidèles en Christ, nous. Donc c'est ce groupe-là, il dit nous, il donne une description de ces gens-là. Et la vérité qu'on va essayer de voir ce matin ensemble, c'est Dieu a démontré l'infinie richesse de sa grâce. Dieu a démontré à travers l'histoire l'infinie richesse de sa grâce. Combien ça fait ça? L'infinie richesse de sa grâce. Comment c'est grec ça? Incalculable. Incalculable. D'autres synonymes? parce que quelqu'un dirait tout de suite, ça fait infini. Sans fin. Sans fin. L'infinie richesse. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'a pas de limite. C'est infini. On ne peut pas voir le bout de ça, dans les deux directions. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé que ça en prenait de la grâce pour nous sauver. Ça prenait une grâce infinie. Si Dieu n'avait pas en lui une grâce infinie, il nous aurait pas sauvés. Ça vous dit, et ça me dit, la grandeur que lui voyait mon péché. Parce que la grandeur de sa grâce équivalait, je crois, en partie, de la grandeur de mon péché. Parce que le péché, c'est infiniment abominable. Infiniment abominable. Donc, ça prenait une infinie richesse de grâce pour sauver ces gens-là. Mais on va voir comment Dieu a démontré, a manifesté l'infinie richesse de sa grâce. Et le premier point, ça va être en continuant d'aimer des gens malgré leur état. En continuant d'aimer des personnes malgré leur état. C'est facile pour nous d'aimer des gens qui nous offrent des fleurs. Aujourd'hui, peut-être beaucoup de mères vont recevoir des fleurs, des petits cadeaux, ils vont s'amener au restaurant, ils vont leur donner toutes sortes d'affaires, ils vont les mamans, nous-mêmes, qui était la période des mamans. C'est facile, là, c'est facile de dire à ce moment-là, sont-ils gentils? C'est des vrais petits anges. Sont-ils gentils? C'est facile, hein? Dans ces moments-là, c'est facile. Ma femme ne m'a jamais dit que j'étais quand j'offrais un cadeau. C'est quelques semaines après qu'elle me disait. Mais quand je lui donnais le cadeau, c'est rare qu'elle me dise des choses négatives. C'est rare, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est facile à ce moment-là. Mais d'aimer ces gens-là, des trois premiers versets, c'est une autre histoire. Une fois, vous me permettez que j'utilise des exemples personnels, ça me semble que ça fait ça vivant. J'étais en train de parler avec une dame, puis elle a dit, moi j'aime mon prochain. J'aime mon prochain. Je l'aime mon prochain. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, peux-tu vous demander c'est qui votre prochain? Jésus a fait ça, tu veux continuer une histoire, Jésus a demandé, c'est qui mon prochain? J'ai dit, serez-vous capable d'aimer l'homme qui a violé votre fille, qui l'a laissé sur le bord de la rue, tout défait, tout démantibulé? Est-ce que vous seriez capable de l'aimer et de lui faire du bien? Elle dit jamais! Voyez-vous? On n'est pas capable, l'être humain n'est pas capable. L'être humain sort plutôt son fusil. Ou sort des gros mots de sa bouche, ou si il est vraiment du tempérament, il va lui tourner le dos et il ne voudrait plus lui parler. Puis là, il va parler en mal de lui pendant tout le restant de sa vie. On n'est pas capable d'aimer les gens qui nous font du mal. L'être humain n'est pas capable, l'être humain se venge. L'être humain frappe, agresse, abuse, détruit celui qui fait du mal. On a chacun notre personnalité, donc on le fait différemment chacun de nous. Mais on le fait. Moi, je l'ai fait. Puis je le fais encore. S'il n'y a pas la grâce de Dieu qui vient m'aider, je le fais encore. C'est donc que je vous ai averti, hein? Si vous me faites du mal. Attention. Attention. Mettez-vous au bord de la porte. Criez-moi à midi, puis partez en courant. Je ne sais pas si je vais dans un état de grâce. Il s'est tué du mauvais pied, il fait froid, en mosse, il est gelé, donc il n'y a pas de bonne humeur, tout soudain de politique de midi de matin. Mais Dieu démontre l'infinie richesse de sa grâce en aimant des hommes et des femmes qui sont contre lui, qui le haïssent, qui le rejettent, qui l'insultent, qui le blâment de tous les malheurs du monde. Ceux qui me connaissaient un peu dans mon témoignage, je dis cela que avant que je me convertisse, je blâmais Dieu de tous les malheurs qui m'arrivaient. C'était sa faute à lui si ça allait mal dans le monde. C'est sa faute à lui. Et si vous m'aviez vu sur la ferme, en plein milieu du chemin des vaches, comme on disait à Québécois, les deux mecs, si vous m'aviez de l'autre de l'autre vue, j'ai dit, il y a un fou dans le champ. J'avais les deux mains dans les airs, puis je sacrais, puis je maudissais à Dieu de tous les malheurs qui m'arrivaient. Dans sa grâce, il m'a montré que c'est moi qui avais tout cassé les peaux, c'est moi qui avais fait tous ces malheurs-là, c'est moi qui blâmais lui. J'avais entendu les gens autour de nous dire, si Dieu aimait le monde, il ne ferait pas ça, il ne permettrait pas ça. On blâme Dieu de ce que nous, on a fait de son paradis. Il nous a mis dans un paradis en tant qu'être humain, on en a fait un dépotoir, et on dit que c'est à la faute de Dieu. C'est à l'essence de nous. Il dit dans les versets qu'on a vus, verset 1, il dit que nous sommes morts par nos offenses et par nos péchés. Donc c'est nous qui avons offensé Dieu, c'est nous qui avons péché contre Dieu. Mais Dieu a continué à aimer Adam et le monde après cela. Dieu démontre l'infinie richesse de sa grâce qui continue à faire du bien. Vous avez lu les versets comme moi, Dieu fait du bien aux justes et aux injustes. Il est bon pour tout le monde. Il fait du bien, il continue à aimer le monde malgré que le monde est un dépotoir. Jean, lui, va dire que le monde, c'est un ténèbre, c'est des ténèbres, c'est noir. Et le mot ténèbre dans Jean, c'est le mal. Il dit au verset 3, « Par nature des enfants de colère, nous sommes nés, nous sommes par nature, par naissance, des enfants de colère. » Comment vous interprétez ça, vous autres, quand vous lisez vos Bibles le matin ou le soir, ou peu importe quand vous lisez, qu'est-ce que ça vous dit à vous, ça? Par nature, nous sommes des enfants de colère. Par notre naissance, c'est comme ça que je lis personnellement, par notre naissance, nous sommes des enfants de colère, destinés à la colère. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 5. Nous sommes tous en Adam. En Adam, on est tous morts. Puis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes à travers mon ministère là, qui disaient, c'est pas de notre faute si on est comme ça. On n'a pas demandé, nous autres, de venir au monde demain. Vous avez déjà entendu ça? J'ai pas demandé, moi, d'avoir des parents pécheurs. J'ai pas demandé, moi, de venir au monde dans une société de pécheurs, de péché ou de violence. J'ai pas demandé ça. Pourquoi est-ce que Dieu m'en tiendrait coupable? Pourquoi est-ce que Dieu me demanderait de rendre compte puis je ne suis pas coupable de ça? Vous avez déjà entendu ça? L'avez-vous déjà dit? Je l'ai dit pendant des années. Pourquoi est-ce que Dieu me rendrait coupable du monde que lui a créé, puis moi je suis venu au monde là-dedans comme victime, un peu une petite victime, je suis venu au monde, un petit ange dans le monde, comme ça, c'est ce que je pensais. Donc Dieu serait bien injuste de me blâmer, ou de me punir. Qu'est-ce que vous répondez aux gens quand ils vous disent ça? Ils ont-tu raison de dire ça? Oui! C'est vrai, je n'ai pas demandé. Oui, c'est vrai que je suis venu au monde dans un monde de péché. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas lui dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Je n'ai pas demandé. Et moi, je dis maintenant en tant que chrétien, je n'ai pas demandé de venir au monde pécheur en plus. Pourquoi est-ce que Dieu m'en demanderait des comptes? surface-là. Il faut être dans le négatif, il faut aller dans le positif. Il faut passer par là. Mais ce n'est pas un principe, ce n'est pas une vérité qui est bien reçue de notre société. C'est pas bien reçu. Il dit dans le verset 2, nous sommes des enfants, nous vivions selon le train de ce monde, nous vivions, nous marchions, le mot marcher là, veut dire vivre, hein? On vivait. Comment on vivait avant d'être chrétien? Comme le monde, et le mot monde, si c'est le monde, c'est ce qui est sans Dieu, ce qui est en dehors de Dieu, et nous vivions comme le monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui ça? Satan. On n'a pas le choix, c'est ça qu'on comprend. Et c'est ça que Jésus a dit aux pharisiens, quand il a dit aux pharisiens, vous avez pour part le diable, c'est la même vérité. Et les pharisiens l'ont-ils bien reçu? Ben non. Il dit, vous marchiez selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, selon les convoitises de votre chair, selon la volonté de notre chair et de nos pensées. C'est comme ça que chacun de nous on vivait. Si vous étiez une prostituée dans un bordel, serviteur de la messe à l'Église catholique, vous marchez comme ça. Nous, on fait des distinctions. On dit, lui, ça pire, lui, non. C'est le mot nous, là. Paul, il dit nous. Puis Paul était quoi? Pharisien, né de pharisien. Il dit, selon la loi, j'étais irréprochable. J'étais plus zélé pour Dieu que tous les autres de mon âge. Donc, c'était pas un gars de bordel, là, ça, là. C'était pas un voleur, c'était pas un drogué, c'était pas un gars qui tuait dans la rue tout de travers, là. C'était un homme d'église. C'était un religieux. Dans sa société, les gens auraient dit de Paul, ah, c'est un bon gars. Il aurait dit ça, de Paul. Ah, c'est un bon gars. Paul se convertit et par l'Esprit de Dieu, il voit que c'est comme ça qu'il était. Je marchais selon le train de ce monde. Je marchais selon la puissance de l'art, selon le prince de ce monde. Je marchais comme un fils de rébellion. Je marchais selon la convoitise de ma chair, de mes pensées, qui étaient contre Dieu. Je vais employer l'expression de Patrick pendant son ouverture. Vous lisez ça à un être humain, puis tout ce qu'il a envie de vous faire, c'est de vous cracher à votre face. Que vous ayez une si basse estime de lui. Aujourd'hui, la publicité, c'est « Tu le mérites bien. Je le mérite bien. Je suis quelqu'un. Je mérite que tu fasses ça pour moi. Je suis quelqu'un de bien. Je suis très aimable. » J'ai écouté Don Carson il n'y a pas tellement longtemps qui parlait et qui disait « Pensez-vous que vous êtes aimable? Pensez-vous que Dieu vous aime parce que vous êtes aimable? » Là, il a pris une demi-heure pour montrer qu'on n'était pas aimable. Négatif, après ça, il nous a mis du positif. Et l'apôtre Paul ici, il dit « C'est ce que nous étions. » Savez-vous comment on va, en tant que chrétien, là, je parle des croyants, donc, en tant que, savez-vous comment est-ce qu'on peut accepter ça et de dire honnêtement, en tant que chrétien, « Ça, c'est moi. » Avant d'être converti. Et c'est encore moi, en tant que converti. Je suis encore comme ça, je suis encore dans la chair. C'est encore moi. Savez-vous qu'est-ce qui va nous rendre capable de dire honnêtement, c'est moi? C'est qu'on croit au chapitre 1. Si vous ne croyez pas au chapitre 1, vous allez essayer de nier ça quelque part. La plupart des chrétiens nient qu'ils sont encore de même en tant que chrétien. Ils essayent de dire, oh, je ne suis pas si mal que ça maintenant. Je ne suis pas si pire que ça maintenant. Non. Avez-vous tout conçu les miroirs de votre maison? Vous ne vous voyez plus. Vous n'entendez plus. Vous ne lisez plus pour voir que Dieu nous dit encore. Moi, je n'ai pas de misère à voir que les chrétiens sont comme ça. Je lis les filles aux Corinthiens et je vois bien qu'ils sont comme ça. Ils sont chrétiens. Mais c'est comme ça, Dieu demande la richesse de sa grâce. dans le fait qu'il a aimé et qu'il aime des gens qui sont comme ça. Puis qui aiment son Église. Et son Église est encore comme ça. Son Église a encore ces problèmes-là dans l'Église. Parce que quand vous péchez, quand vous commettez des rébellions contre Dieu, c'est encore là. Vous le faites encore. Donc, on ne peut pas dire, « Ben, moi, je ne suis plus comme ça. Maintenant, je suis devenu un bon gars, je suis une bonne fille, je suis quelqu'un de bien, je ne fais plus de mal à personne. » Je vais vous dire une chose, qu'est-ce que vous faites, Élisabeth? Si vous êtes parfaite, allez rester chez vous. Vous êtes ici. Si vous êtes parfaite, vous êtes ici. On n'est pas parfait dans la chair, c'est pas vrai. Donc, c'est très noir, c'est très négatif. Les gens, une fois, je parlais avec une psychologue, elle m'a dit, je suis surpris. Elle m'a dit ça comme ça, je suis surpris qu'il n'était pas à l'osée. Pas très encourageant, c'est pas mal noir. Elle dit, avec l'opinion que tu as de toi, je suis surpris que tu ne sois pas rasé. On ne peut plus le mot rasé, mais c'est ça que ça veut dire. Elle veut dire qu'il n'était pas en psychiatrie, qu'il n'était pas en train de devenir fou, dépressif ou suicidaire. Et je lui dis, c'est parce que vous avez entendu juste la moitié de l'histoire. Laissez-moi vous conter l'autre côté de l'histoire. Mais si je compte juste la moitié de mon histoire, c'est vrai que quelqu'un qui se regarde de même, qui se décrit comme ça, passe pour un peu malade dans sa tête, qui n'est pas correct, qui est trop négatif. Puis que, comment tu fais pour te regarder dans le miroir si c'est ça que tu penses de toi? Maintenant, on va tourner vers le positif. Dieu dit, je t'ai regardé comme ça, tu étais comme ça, et je t'ai aimé comme ça, tu es encore de même, et je t'aime de même. Mais il est arrivé quelque chose dans notre vie, entre-temps, pour nous les croyants. Donc on va lire à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On va arrêter là. On va prendre le verset 10 tout seul à la fin. Dieu bouge à cause de ce qu'il est, premièrement. À cause de ce qu'il est. Femme la lumière, Daniel. Nommez-moi les attributs que vous avez vus dans les versets. Amour de Dieu. Oui, de Dieu. Les attributs de Dieu qu'on a vus dans le verset. Amour. Miséricorde. Sa bonté. Miséricorde. Amour. Bonté. Grâce. Donc, on a vu au moins quatre attributs, là. Sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Et on les a tous, 9 à 4. Dieu, à cause de ce qu'il est, il va intervenir dans ma vie. Pas à cause de ce que je suis, à cause de ce qu'il est, il regarde le pauvre gars ou la pauvre fille du verset 1 à verset 3, il les regarde, il a regardé Paul sur le chemin de Damas, il l'a regardé, puis il dit, à cause de ce que je suis, je vais intervenir dans ta vie. Je vais venir vers toi. Et je vais faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Moi, je vais faire de quoi pour toi. Et là, il dit qu'il nous unit. Il met, oh, vu que ça va faire des mères, je vais utiliser l'expression que les femmes connaissent, il a mis un cordon ombilical entre Jésus et moi. Il m'a uni à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas rien de plus proche qu'un cordon ombilical, hein, qui met deux personnes ensemble. Ça ne peut pas être plus proche que ça. Là. Ça communique pas mal direct, ça. Là. Je t'ai uni par la résurrection, je t'ai uni par sa mort, je t'ai uni au Christ, en lui. Je suis devenu un avec Jésus-Christ. Miracle des miracles. Il ne peut pas avoir plus positif que ça. Vraiment, ça semblait bien heureux hier d'être uni à lui. Et lui aussi, il était bien heureux d'être uni à lui. Mais c'est rien, ça, comparé à l'union que Dieu a entre moi et Jésus-Christ. C'est rien. C'est incomparable. On ne peut pas mettre ça ensemble et dire on va comparer les. C'est pas faisable. C'est des millions plus grands ce que Dieu a fait. Je vais t'unir au Christ pour l'éternité. Et là, automatiquement, la vie de la maman passe dans le fœtus par le cordon ombilical. Amen. Je fais le lien avec Christ. Puis... oui. On a compris. On n'est pas si lent que ça non plus. Non? Donc, la vie de Christ passe, puis elle s'en vient en moi. Et là, il y a du sang divin qui coule dans mes veines. Et mon ami, qu'on ne s'arrête pas assez souvent pour y penser. Il y a du sang divin, vous permettez l'expression, qui coule dans mes veines. Et le fait que je suis uni au Christ, il dit qu'on est assis maintenant à la droite de Dieu, avec Dieu. On est assis en Christ, dans la présence de Dieu. Et une fois, j'ai dit ça dans un sermon à Victoriaville, puis il y a une femme qui nous voit, elle dit, t'es un, comment est-ce qu'elle appelle ça, un hérétique de penser que tu es assis à la droite de Dieu avant Jésus-Christ. Je ne vous dirai pas ce que j'ai répondu. Nous autres, on sait que c'est vrai. Pas à cause qu'on est quelqu'un. Elle a pensé parce que j'étais quelqu'un de spécial que je pensais ça. Mais non, c'est juste parce que je suis uni à quelqu'un de spécial, qui est Jésus-Christ. Et là, je suis dans sa présence, en Jésus-Christ. Puis là, il dit, car, il donne la raison, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dit Dieu vous a sauvé, vous a délivré, vous a pardonné, vous a purifié dans sa grâce et par la foi. Puis là, il dit quoi? Que la foi, c'est un don. Est-ce que je comprends bien que la foi, c'est pas dans le cœur humain? On vient pas au monde avec la foi? Est-ce que je comprends bien quand on dit ça? Que, quand je dis que on ne vient pas au monde avec la foi. Donc, si on ne vient pas au monde avec la foi, et que je te rencontre, et que je te demande de croire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'as pas la capacité. Si tu ne viens pas au monde avec la foi, et je te demande de croire, tu ne peux pas. Donc, il faut que Dieu intervienne encore une fois. Mais Dieu, donne la foi, et là tu crois. Et quand il te donne la foi, tu ne peux pas pas croire. Tu ne peux pas pas croire. Quand il te donne la foi, tu crois. Tu crois. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est une grâce que Dieu fait. Pourquoi est-ce qu'il a donné la foi à vous? À moi, puis pas à tout le monde. Dieu est souverain. Il fait un choix. On a vu ça dans le verset dans le chapitre 1. Hein? Avant le commencement du monde, Dieu a choisi des gens, les a bénis, les a unis à Christ. Mais on sait une chose, il faut qu'il l'ait fait pour qu'on puisse croire. Moi, je me souviens toujours le soir où j'ai été sauvé. J'étais dans l'auto. Je m'en allais à chez nous en auto. Puis, donc, si vous m'embarquez le soir, laissez-moi pas conduire, c'est ma femme qui conduisait. C'était mieux comme ça. Elle a conduit, moi, j'étais canté dans le bord de la porte, et je méditais, et je regardais le ciel. C'était une de ces belles soirées d'étoiles, tu sais, que la lune, c'était vraiment une belle soirée, claire. Et j'ai embarqué dans l'auto, un incroyant. Et j'ai sorti de l'auto, croyant. Je disais à ma femme, en sortant de l'auto, je crois. C'est fini. C'est incroyable. Ça fait 33 ans. Je crois. Qu'est-ce que c'est? Elle me regarde, c'est passé. J'ai pas pu l'expliquer à ce moment-là, je connaissais pas assez la Bible. Aujourd'hui, je dirais, Dieu m'a donné la foi là, dans le trou. Il m'a donné la foi, tout un miracle, m'a donné la foi, j'ai cru. J'ai cru. Et je sais que, même si vous n'avez pas vécu cette même expérience-là, je sais que c'est ce qui s'est passé aussi pour vous autres, si vous croyez. Parce que la foi n'est pas dans le cœur humain. Il faut qu'elle soit déposée partout dans le cœur humain. Et Dieu prouve son infinie richesse dans le fait qu'il nous a unis au Christ et il nous a donné la foi afin qu'on puisse croire à ce grand plan de Dieu qui sauve l'humanité pour être glorifié. Maintenant, on va aller au verset 10. Dieu demande l'infinie richesse de sa grâce avec le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu, nous sommes son œuvre, nous sommes son ouvrage, il nous a créé. Là, il parle de la création spirituelle, hein, on ne parle pas de la création physique. Il nous a créé, il nous a fait naître de nouveau, il nous a donné une nouvelle vie, il nous a créé une deuxième fois, si on peut dire ça comme cela, afin qu'on fasse quelque chose, afin que nous pratiquions des œuvres. Là, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas, je pense que je suis le seul qui dit ça, comme ça. Mettez ça dans votre pipe, et prenez le temps de fumer ça tranquillement pendant la semaine. Pensez à ça. Cette semaine, j'écoutais un homme sur Internet. Un chrétien, un enseignant. Puis il dit, il y a des chrétiens que c'est tellement dur de voir qu'ils sont chrétiens qu'il faut garder longtemps. Et moi, j'étais dans mon désespoir, j'écoutais, j'ai lancé un cri. Littéralement, j'ai lancé un cri. Pas vrai! Pas vrai! Ça n'existe pas, ça! Puis il dit, il y en a d'autres, on les regarde. Puis ils ont juste quelques petits raisins secs après le grec. J'ai lancé un mot de cri. Pas vrai! Ça n'existe pas, ça! Pour moi, que tu dises ça, c'est un affront aux vignerons. C'est un affront aux sectes. Tu blasphèmes, dans mon cœur, tu blasphèmes contre Dieu, qui est le vigneron de cette vigne. Et tu me dis, tu as un paquet de sectes, un sept là, avec un paquet de serments. Ils produisent rien, mais des endus. Des endus, par le fond. C'est pas même que la Bible parle. Ouais. Pas même la Bible parle. Même elle ne parle pas comme ça. Ici, dans ce texte-là, il dit qu'on a été créé et qu'on a été unis à Jésus-Christ, en Christ. On a été créé en Christ. Donc, le cordon ombilical est là encore. C'est la même illustration que la vigne et le sarment. Hein? C'est la même chose. La vigne, elle envoie le jus, la sève dans le sarment pour que le sarment produise les grappes de raisin. Moi, j'ai fait un petit cours d'horticulture, très, très minime, on va faire. Mais quand je ne vois pas de fleurs, moi, je ne gueule pas après le bourgeon. Je regarde à mon arbre. Je regarde au tronc. Je regarde est-ce qu'il y a de l'eau. Je regarde ce qu'il y a de la nourriture. Je ne peux pas dire, espèce de niaiseux, tu n'es pas capable de faire une grappe. Je ne crie pas après la grappe. C'est pas la grappe qui est responsable, c'est le tronc, c'est tout ce qui se passe alentour. Qui finalement, s'il y a un bon tronc qui est bien nourri, qui est en santé, et que le serment est en santé, il va avoir automatiquement une grosse grappe de raisin. Nous, on regarde la grappe de raisin, puis on commence à se lamenter, puis on dit à la grappe, t'es pas une bonne grappe. C'est, attention, pas de même. Pas de même. Un jour, j'ai parlé avec un homme qui avait enseigné, puis il a parlé de l'Église. J'ai dit à cet homme-là, si tu parlerais de ma femme comme ça, je te sacrerais une claque sur la gueule. Il dit, tu as parlé de la femme de Jésus-Christ d'une façon telle que ça l'insulte son mari. Attention à la façon qu'on parle de l'Église. Attention. attention. Si vous parlez de ma femme comme ça, je ne serais pas Benoît. Ici, Paul dit, Dieu vous a créé à nouveau. En Jésus-Christ, vous a uni à Christ. Il a préparé des bonnes œuvres pour vous, afin que vous les pratiquiez. J'étais longtemps à me demander combien d'œuvres il m'avait préparé à moi, François. À combien d'œuvres à moi, François, il avait préparé. Puis combien, en pourcentage, vous savez, je suis comptable de métier, combien en pourcentage j'en ferais de ces œuvres-là? Admettons que Dieu m'en a préparé 1000. Ok, mettons, c'est ça. Dieu m'en a préparé 1000 œuvres pour moi. Je me dis, quand je vais mourir, combien je vais pouvoir dire à Dieu, j'en ai fait de. Là, je dirais un chiffre, mettons. J'en ai fait 500 sur les 1000. J'en ai fait 200 sur les 1000. J'en ai fait 20 sur les 1000. Bon, j'en ai fait une, Seigneur. Hein? Ça prouve que je suis chrétien. Hein? J'en ai fait une sur les 1000. Pas sûr, qui applaudirait. Dieu a préparé des œuvres pour vous, spécialement pour vous, pour que vous les pratiquiez. Moi, je vous dis ce matin que toutes les œuvres que Dieu a préparées pour vous, vous allez toutes les faire. Là, ça semble étrange pour vous ce matin, ça. Mais pensez à ça. Essayez de vous mettre dans la tête de Dieu un petit peu. Je regarde la vie de François. Je vais y en préparer 1000, je sais qu'il va en faire juste 20, mais je vais y en préparer 1000 pour rien. Ou 880 pour rien, 980. J'en prépare un paquet pour lui, mais il ne fera pas, je le sais, mais je vais préparer pareil. Dieu ne pense pas de même dans les Écritures. Dieu ne pense pas comme ça. Et je vais préparer des œuvres pour toi, et je sais que tu vas les faire, ces œuvres-là. Moi, je suis convaincu personnellement que quand vous allez mourir, les œuvres que Dieu avait préparées pour vous, vous allez avoir tout fait ces œuvres-là. Ça m'énerve tellement que je suis. Je suis convaincu de ça. Mais la question, c'est vous, le problème qu'on a, c'est qu'on essaye de définir c'est quoi les œuvres. C'est quoi les œuvres que vous préparez pour nous? Si je vous demanderais ce matin, là, à brûle pour point, prends-toi une feuille de 8 de papier et écris-moi c'est quoi les œuvres que tu penses que Dieu a préparées pour toi. Et la plupart du temps, les œuvres que vous allez écrire, si je vous demanderais après comment vous allez en faire de ces œuvres-là, vous allez probablement dans le négatif. Vous allez probablement dans le négatif. Ça veut dire que vous n'oserez pas dire que j'ai fait tout, ou j'en fais 9 sur 10, ou j'en fais 8 sur 10. Vous n'oserez pas en mettre trop. Vous allez penser que vous êtes un chrétien orgueilleux, que vous pensez un bon chrétien, moi j'ai fait toutes les œuvres, vous êtes oh non, je ne suis pas capable, je ne suis pas comme ça. Hein. Et combien? Mais c'est quoi les œuvres que préparer pour nous? J'ai demandé ça à des chrétiens. Il y en a, la plupart des chrétiens me répondent, la plupart de ça, c'est une absence de péché. La plupart du temps, c'est là qu'on va jouer. C'est que Dieu me demande de ne pas faire un paquet d'affaires. Et là, on est assez intelligent, puis rendu assez vieux, puis assez né de Dieu, on se regarde dans le miroir, puis on sait très bien qu'on a fait un paquet de péchés. Donc on dit, genre, je ne fais pas toutes les œuvres que Dieu m'a demandé, car je désobéis souvent. Vous avez déjà pensé ça? Ben oui, vous avez déjà pensé ça. Ben, le pire, c'est que je vous l'ai déjà enseigné. Dieu, il a préparé des œuvres, puis dans la tête, on pense aux 10 commandements, on pense qu'il faut faire ça, puis si on réussit à les faire, ce que Dieu nous a demandé, on met ces bonnes œuvres à l'équivalence avec obéissance à ce qu'il nous a demandé. Je vais vous poser une question, vous les mères, encore, c'est l'affaire des mères, je ne savais même pas cette affaire des mères, on va le dire, la femme n'est pas surprise. Elle sait que je suis comme ça. Je ne l'ai pas appelé, je ne l'appelle pas maintenant. C'est ça que les photos vont faire. Mais c'est pas ta mère. Qui a dit ça? Tu penses trop vite, parce que tu penses trop vite. J'ai dit ça de femme folle. C'est pas ma mère. J'encourage mes enfants à sauter bonne mère. Bonne fête à leur mère, mais moi, je suis fait sauter pour bonne fête. Le château de ma part. De quoi t'as parlé? C'est pas ta mère. Les femmes, ça fait des mères. Voilà. Merci, Daniel. Quand vous autres, les femmes, je sais que c'est des besoins de nous, là, mais quand vous autres, les femmes, vous donnez naissance. Vous donnez naissance à un être humain. Vous donnez naissance à un être humain. Va-t-il faire les œuvres d'un être humain? La réponse est quoi? Oui. Ben oui, il va faire les œuvres d'un être humain. Il va vivre comme. Quand il va arriver à 18 ans, quelqu'un va dire: oh, je sais pas si c'est un être humain, lui, ce gars-là. J'aimerais bien voir sa mère. Pas sûr que c'était un humain. Là, vous liez, là. Mais des fois, on fait la même chose avec Dieu. Dieu donne naissance à des enfants de Dieu. Ils deviennent des enfants de Dieu. Ils deviennent, sont unis au Christ. Ils ont le sang divin qui coule dans leur. On ne dit pas qu'on est Dieu, là. Mais il y a du sang de Dieu qui coule en nous. Dieu habite en nous. On est le Saint-Esprit qui leur dit: je ne sais pas s'il va faire les œuvres de Dieu, lui. Je me demande si les gens qui vont le regarder vont savoir qu'il est un chrétien. Je ne suis pas sûr. C'est idiot de penser comme ça. C'est idiot de penser comme ça. Si Dieu crée des enfants de Dieu, moi je vous garantis qu'ils vont vivre comme des enfants de Dieu. Si vous les regardez vivre, vous allez voir qu'ils sont des enfants de Dieu. Vous allez voir. C'est impossible que vous ne le voyez pas. Si ce sont des enfants de Dieu, vous allez voir, c'est là. Mais ce n'est pas peut-être les œuvres que vous pensez. Peut-être pas les œuvres que vous pensez. Je vais vous confier un petit secret. À un moment donné, dans ma vie chrétienne, j'étais tellement déprimé par mon incapacité à faire ce que Dieu demandait. J'arrivais pas. Bon, j'essayais du mieux que je pouvais. Genre, dans ma tête, si je pouvais mettre une règle mesurée, je disais: oh, j'en fais un petit peu. Mais si je regardais ce que Dieu demandait, j'ai toujours demandé à quel point. Le plafond, c'est la perfection. Dieu demande-t-il moins que ça? Dieu demande-t-il moins que la perfection? Non. Dieu demande la perfection. C'est son standard, ça. Et vous, si vous vous regardez ce matin, comment vous êtes loin du plafond? Comment vous êtes loin du plafond? Si vous regardez, mais Dieu me demande la perfection, et je regardais ma vie, je savais très bien que j'étais loin du plafond. En Christ, maintenant, si je ne suis pas capable de me rendre au plafond, je le vois que je ne suis pas au plafond, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Comment est-ce que Dieu me demande de le glorifier, de faire les œuvres qu'il me demande? Si c'est ça qu'il me demande d'être au plafond, je n'y arrive pas, je ne le fais pas ce qu'il me demande. Je ne fais pas les œuvres. Je devrais être au plafond, mais je n'y arrive pas, donc je ne fais pas les œuvres que Dieu m'a demandé. C'est comme ça qu'on réagit. Mais pourtant, je suis convaincu que je fais les œuvres de Dieu. Mais pendant que je ne suis pas encore au plafond, l'enfant de Dieu rêve du plafond. Il en rêve du plafond. Il désire de ce rendre-là. Il veut ce rendre-là. Il aimerait être là. Je suis convaincu que vous demandez à n'importe quel enfant de Dieu: aimerais-tu être comme Jésus ce matin? Oui. Tout le monde va répondre: oui. Oui. Ça, c'est un œuvre d'un enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu le font. Ils font ça. Si je demande à n'importe quel d'entre vous qui est un enfant de Dieu ce matin, puis je dis: est-ce que tu es sauvé? Vous allez me dire: oui. Si je vous demande comment tu étais sauvé, vous allez dire: j'ai fait des bonnes œuvres. C'est ça que vous allez dire? Non. Vous allez dire: non, Jésus m'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a fait grâce. Ça, c'est une œuvre d'enfant de Dieu. C'est cette œuvre-là qu'il vous a préparé à faire. De dire à tout le monde: je suis un enfant de Dieu parce qu'il m'a sauvé. Quand quelqu'un vous demande: toi, tu es-tu des singes? Vous allez dire quoi? Non! Non! Vous allez dire quoi? Dieu m'a créé! Ça, c'est un œuvre d'un enfant de Dieu. Nous, on pense que l'enfant de Dieu, c'est les œuvres, c'est qu'il marche les deux fesses serrées et il ne fait pas de péché. L'enfant de Dieu, ça ne fait pas de péché, c'est pas. c'est correct, l'enfant de Dieu, ça marche pas péché, c'est sain, l'enfant de Dieu, ça va. Non, non, non. Je vous encourage à prendre vos concordances, vos Bible online, si vous les avez. Regardez dedans les œuvres que Dieu demande. Et dites, ce que Dieu veut de vous, c'est que vous offriez des sacrifices de louange, des lèvres qui confessent son nom. Mes sœurs, mes frères, quand vous êtes assis avec un enfant que vous avez chez vous, puis vous dites « Dieu t'aime », vous faites une œuvre de Dieu. Vous faites une œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas Billy Graham. Je dis pas que lui, c'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est lui, il l'a fait. C'est que l'œuvre de Dieu, c'est que tu glorifies. Maintenant, je vais terminer, vous me dites, avec le, si vous voulez reculer dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles, avec vous, dans le chapitre 1, je vais résumer c'est quoi les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et vous allez voir, je crois que c'est ça qu'il a préparé pour nous. Verset 6, chapitre 1. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a sauvés, prédestinés, il nous a rachetés, il nous a lavés, il a fait de nous des héritiers pour célébrer la gloire de sa grâce. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que de me promener et de dire « Dieu est gracieux, Dieu est gracieux. » Quand ma femme m'engueule, je dis « Dieu est gracieux. » Tu es peut-être moins en délire. Hein? T'es-tu en train de méditer? Souvent. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ma femme, elle peut bien... Si elle regarde comme il faut, je sais qu'elle regarde comme il faut, après 37 ans, elle m'a bien vu. Toutes sortes d'angles. Puis elle sait qu'elle n'a pas marié un petit ange. Elle sait très bien. Elle a marié un grand. Continuons. Verset 12, verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise pour célébrer sa gloire. Ça, c'est les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on célèbre sa gloire. Il veut qu'on célèbre sa grâce. Il veut qu'on célèbre sa louange. Il veut qu'on soit des gens qui vont parler de lui dans le sens que chez nous, en dormant, en rêvant, avec nos enfants, avec nos épouses, on est en train de s'asseoir à la table, on dit merci Seigneur pour la nourriture. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas voir l'œuvre de Dieu comme une capacité de ne pas pécher. Mais Dieu a mis en nous une capacité de le louer. C'est ça qu'il dit dans Jean chapitre 16, « Je vais vous donner le Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit va vous rendre capable de glorifier Dieu, de louer Dieu. Il y avait un homme, un jour, je vais terminer cette histoire-là, on était dans une conférence de pasteurs, je ne sais pas où. On était une gang, on était un millier près de pasteurs. Il m'a dit, le Saint-Esprit, c'est comme une lumière dans un parc. Et le soir, tu vas dans le parc, il y a une lumière allumée, et la lumière projette ses rayons vers une statue. Et toi, tu passes dans le parc. Qu'est-ce que tu regardes? La lumière ou la statue? La statue. Dieu a mis en vous et moi le Saint-Esprit pour qu'on jette de la lumière sur la statue qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a mis Saint-Esprit en nous. Pour qu'on soit capable de faire voir le Christ à travers nous, dans nos vies, à nos enfants, à nos épouses, à nos amis, nos voisins. Cette semaine, j'étais en train de faire de la pelouse, mon voisin me dit quelque chose, on travaillait ensemble, Dieu, pour moi, c'est plus que ça. Dieu est mon créateur. Je faisais l'œuvre de Dieu. J'ai péché toute la journée, cette journée-là. Mais je peux dire le soir, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais c'était loin de toi de pécher pareil. Pas problème avec ça. Pas problème avec ça. Mais ça, pour moi, c'est secondaire. C'est secondaire. Et ça, le fait de m'éloigner du péché va venir dans ma vie plus facilement et avec plus grand ardeur si je passe du temps à louer, à glorifier Dieu. Et si on essaie de s'abstenir du péché plus que de passer du temps à louer, vous allez avoir de la misère avec l'abstinence du péché. Mais plus vous allez passer du temps à faire l'œuvre que vous avez été préparé pour faire, glorifier Dieu, louer Dieu, exalter Dieu, vous allez avoir de moins de misère avec le péché. Moi, je dis tout le temps aux gens, un poisson aime l'eau. Il n'a pas besoin du thé. Il aime l'eau. Un chrétien aime la sainteté. Il n'a même pas besoin de parler du péché. Il aime la sainteté. Il va vouloir s'éloigner. C'est naturel pour lui. Il va vouloir s'éloigner. Mais il s'en rend compte à tous les soirs, en se couchant, c'est pas être comme moi, qu'il a péché. Mais il se lève le matin en disant, « Oh Seigneur, si Dieu, Carole, te demandait, « Carole, aujourd'hui, aimerais-tu faire une journée sans péché? » Qu'est-ce que tu lui dirais? « Oui! » Luc, tu vas se lever, il va dire, « Ben oui, j'aimerais ça! » Car c'est ça, tournez! Mais c'est pour ça que je te dis, le chrétien, c'est ce qu'il veut! C'est ce qu'il veut! T'as pas besoin de dire, il veut ça! S'il veut pas ça, il est pas chrétien! Il n'est juste pas chrétien. Montre-moi un chrétien qui aime le péché, qui veut jouer avec le péché, qui veut, il aime ça, puis ça va. Tu couches dedans, puis ça va. On dit, t'es pas un chrétien. T'es juste pas un chrétien. C'est ça, c'est tout. Le chrétien, il voit bien qu'il est là, qu'il en fait. Mais il désire s'en sortir. Il veut combattre ça. Mais il le fait. Et moi, je me dis, personnellement, l'œuvre de Dieu, je l'ai fait plus dans ma vie personnelle. Je l'ai fait plus en le bénissant de me pardonner, que je le bénis parce que j'ai oublié. Je passe plus de temps à le louer parce qu'il m'a aimé malgré tous mes péchés encore que je fais, que de dire merci parce que j'ai réussi aujourd'hui à obéir à cette fois-là. Je passe plus de temps. Je vous garantis que c'est, dans ma vie, c'était bénéfique pour moi. Bénéfique pour moi. J'arrête. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu nous as unis à Christ. Aucune main, aucune paire de ciseaux ne va pouvoir couper le cordon ombilical spirituel que tu as. Ni le diable, ni le monde, ni nous. Comme aucun enfant veut couper le cordon ombilical qui a appuyé sa mère, aucun enfant spirituel ne veut ça. Il ne fait ça. Et Seigneur, par ce cordon ombilical, tu nous as donné la foi. Par ce cordon ombilical, tu nous as donné la vie. Tu nous as créés à nouveau. Et tu veux maintenant qu'on fasse des œuvres pour te glorifier. Tu en as préparé pour chacun de nous. Très, très spécial, très personnel, très individuel, très privé, si chacun de nous, nos œuvres vont être différentes. Mais ils reviennent dans la même chose, qui est de glorifier Dieu, qui est de glorifier la grâce de Dieu, qui est de glorifier la gloire de Dieu, qui est de glorifier le nom de Dieu, le Fils de Dieu. Le comment va être différent pour chacun de nous. Le où, ça va être différent pour chacun de nous. Mais nous allons tous le faire. Merci de nous avoir appelés à ce grand projet, à ce grand plan, qui est la gloire de Dieu. Amen.